30 secondes, c'est le temps moyen qu'il faut à un conducteur pour réagir. À condition qu'il soit en forme et qu'il n'ait pas consommé de produits allongeant le temps de réaction, comme l'alcool par exemple. À 120 km/h, on parcourt environ 36 mètres par seconde. À 130 km/h, cette distance passe à 39 mètres par seconde. La distance s'allonge avec la vitesse, soit 3 mètres de plus parcourus en une seconde. Mais la vitesse allonge aussi la distance de freinage. En effet, sur sol sec, elle passe d'une centaine de mètres à 120 km/h à 130 mètres environ à 130 km/h, soit 30 mètres de plus. Réponse A et C.